بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'heure approche et la lune s'est fendue en deux. S'ils voient un prodige, ils s'en détournent et disent « Ce n'est qu'une sorcellerie continue ». Ils rejettent la vérité et ne suivent que leur propre passion. Or, chaque chose a un terme qui lui est assigné. Nul doute que leur sont déjà parvenus des récits propres à les dissuader de faire le mal. Parfaite sagesse en vérité, mais les avertissements ne leur servent à rien. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. Alors détourne-toi d'eux, le jour où le convocateur appellera à une chose affreuse. Les regards baissés, ils sortiront des tombes comme des nuées de sauterelles. Se hâtant vers le convocateur, les mécréants diront « Voici un jour bien difficile. » فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ. Avant eux, le peuple de Noé avait crié au mensonge. Il avait rejeté notre serviteur en disant « C'est un possédé » et l'avait repoussé. Noé avait invoqué son Seigneur « Je suis vaincu ». Apporte-moi ton secours. C'est alors que nous ouvrîmes les portes du ciel et qu'une eau torrentielle s'en déversa. Et partout sur la terre, nous fîmes jaillir des sources, de sorte que les eaux se confondirent selon un décret déjà décidé. Et nous le portâmes sur une arche faite de planches et de clous. Voguant sous nos yeux, telle était notre récompense pour celui qu'on avait rejeté. Et nous fîmes de cette arche un signe, mais y a-t-il quelqu'un pour se souvenir? Combien terrible fut mon châtiment suite à mes avertissements. <t'en> إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Nous avons fait en sorte que ce Coran soit accessible et facile à mémoriser. Mais y a-t-il quelqu'un pour y réfléchir? Ad avait rejeté la vérité. Combien terrible fut alors mon châtiment, suite à mes avertissements. Nous lâchâmes contre eux un vent violent, en un jour sinistre et interminable. Un vent emportant les hommes comme des souches de palmiers déracinées. Mais combien terrible fut mon châtiment, suite à mes avertissements. Nous avons fait en sorte que ce Coran soit accessible et facile à mémoriser. Mais y a-t-il quelqu'un pour y réfléchir ? كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. Thamoud avait rejeté nos avertissements en disant allons-nous suivre un mortel, un seul homme parmi nous? Il vaudrait que nous soyons égarés ou alors complètement fous. Le message lui aurait-il été envoyé à l'exception de nous tous? Non, mais c'est un menteur effronté. Ils sauront bientôt qui aura été le menteur effronté. Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir wa nabbihum an al-ma'a qismatun بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Nous leur enverrons la chamelle comme épreuve. Surveille-les bien, ô Salir, et sois patient. Apprends-leur que l'eau sera partagée entre eux et la chamelle, et que chacun boira à son tour. Alors, ils firent appel à leur camarade, qui prit son épée et la tua. Alors combien terrible fut mon châtiment suite à mes avertissements. Nous lançâmes contre eux un seul cri, et voilà qu'ils furent réduits à l'état de chaume, tel que celle utilisée par les bâtisseurs d'enclos. Nous avons fait en sorte que ce Coran soit accessible et facile à mémoriser. Mais y a-t-il quelqu'un pour y réfléchir ? إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Le peuple de Lot avait aussi rejeté nos avertissements. Nous lançâmes une pluie chargée de pierres sur eux tous, à l'exception de la famille de Lot, que nous sauvâmes avant l'aube. À titre de bienfait de notre part, c'est ainsi que nous récompensons celui qui est reconnaissant. Ils les avaient pourtant avertis de notre châtiment, mais ils avaient mis ces avertissements en doute. Ils avaient même tenté d'utiliser ces invités dans un but malveillant. Alors nous les rendîmes aveugles. Goûtez maintenant à mon châtiment, après avoir été avertis. Et en effet, au petit matin, le châtiment qui leur était destiné s'abattit sur eux. Goûtez maintenant à mon châtiment, après avoir été avertis. Nous avons fait en sorte que ce Coran soit accessible et facile à mémoriser. Mais y a-t-il quelqu'un pour y réfléchir ? ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. Certes, des avertissements furent aussi envoyés aux gens de Pharaon. Mais ils rejetèrent tous nos signes, les uns après les autres. Alors nous les saisîmes comme ne peut le faire qu'un Tout-Puissant, auquel rien ne saurait résister. Vos mécréants valent-ils mieux que cela? Ou votre immunité serait-elle garantie par les Écritures? Ou bien, disent-ils, nous sommes un groupe victorieux. Ils seront bientôt mis en déroute et fuiront. L'heure du jugement sera leur rendez-vous, et cette heure sera plus terrible et plus amère. Innal mujrimina fi dalalin wa su'ur yawma yushabuna fin nar 'ala wujuhihim dhuqu massa saqar. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. Les criminels sont certes dans l'égarement et la folie. Le jour où ils seront traînés face contre terre en direction de l'enfer. Goûtez au contact du feu brûlant de l'enfer. Nous avons certes créé toutes choses avec mesure, et notre commandement consiste en une unique parole, et il est prompt comme un battement de paupières. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. Oui, nous avons déjà détruit des peuples semblables à vous. Mais y a-t-il quelqu'un pour s'en souvenir? Et tout ce qu'ils ont accompli est inscrit dans des registres. Tout fait, insignifiant ou important, s'y trouve consigné. Les pieux se retrouveront dans des jardins et des ruisseaux, dans un séjour de vérité, en présence d'un souverain tout-puissant.